la préfecture au coin de la rue qui descend. Par-dessus la clôture, je vois la maison au mur blanc. Les volets s'entrebâillent de moins en moins souvent. C'est l'automne demain, les feuilles d'un saule déjà s'envolent. Dans le petit jardin qui s'abandonne aux herbes folles, on entend les enfants dans la cour de l'école. Elle vivait là déjà bien avant les bombardements. Le grand-père est là-bas parti depuis plus de 20 ans. Ce temps qui passe et elle qui attend. Laissez la bougie qui s'éteint, la lumière qui brille a fini son chemin. Fragile au creux de nos mains, sa flamme qui vacille n'ira pas plus loin. Gardez comme un dernier sourire l'image de sa fumée qui monte à l'infini des souvenirs. Dans la chaude pénombre de sa chambre au papier jauni, son esprit vagabonde au long de sa trop longue vie. Et où va donc ce monde, pourquoi tant de folie? Sur un buffet banal, les enfants s'alignent en portrait. Devant des cartes postales et un animal empaillé. Minuscule univers pour un si long passé. Laissez bougie qui s'éteint, la lumière qui brille a fini son chemin. Fragile au creux de nos mains, sa flamme qui vacille n'ira pas plus loin. Gardez comme un dernier sourire l'image de sa fumée qui monte à l'infini des souvenirs. Un soir sans lendemain, le bateau part vers l'au-delà, vers ce vaste jardin où les fleurs ne se fanent pas, là où jamais le temps ne la retrouvera. Marchant dans la froidure d'un hiver de neige et de vent, derrière la préfecture au coin de la rue, je descends. Les volets blancs sont toujours fermés maintenant. Garde comme un dernier sourire l'image de sa fille.